Play for love. Think peace. Think love. Nothing else than love. On a besoin de frustration. Think peace. Play for peace. Think love. Peace and love. Think for peaceful world. Peace and love. And start your life for them, for you, for him, for you, for love, for get out from darkness, it's darkness, sadness. Call me, and life is love will be them all the way you go with darkness, sadness. Call me, but there is love. Same as darkness, sadness, but love will be there. Darkness, sadness, but love will be there. Darkness, darkness, but love. Love. sadness, but love near be dead. Darkness is sadness, but love near be dead. J'étais tranquillement en train de marcher. J'ai croisé un monsieur qui est venu me gratter. Il est venu me gratter, il est venu me gratter, il est venu me gratter. Il est venu me gratter, il est venu me gratter, il est venu me gratter. Il est venu me gratter, il est venu me gratter des euros. Il est venu me gratter, il est venu me gratter, il est venu me gratter des euros. J'étais en train de marcher tranquillement. Il m'a dit bébé malade. J'étais en train de marcher tranquillement. Il m'a dit bébé malade. J'étais en train de marcher tranquillement. Il m'a dit cigarette. Je voulais pas m'arrêter. Il m'a attrapé le bras. J'ai failli le frapper. De deux, trois coups de mouvement. Je me suis barré. Bébé malade. Bébé malade, donne-moi cigarette. Bébé malade, cigare, cigare. Bébé malade, cigare, cigare. Donne-moi cigarette, cigare, cigare. Donne-moi cigarette, ciga, ciga. Donne-moi cigarette. Ciga, ciga. Donne-moi cigarette. Bébé malade. Oh, oh. Bébé malade. Oh, oh, oh. Donne-moi cigarette. Ciga, ciga. J'te fais Fabrice. J'te fais bébé malade. Bébé malade. Ciga, ciga. J'te fais Fabrice. Ciga, ciga. Donne-moi cigarette. Ciga, ciga. Oh oh, oh oh oh. Ciga, ciga. Casse-toi de la connard. Tu m'as fait un petit cœur sur le pare-brise. Maintenant faut le faire connard. Tiens, 50 centimes, les poches de là. Voilà, une réaction de con. Ciga, ciga. Oh oh. Ciga, ciga. Donne-moi cigarette. Bébé malade. Va donner cigarette, va donner cigarette au monsieur. Va donner de l'argent, va donner cigarette. Allez le monsieur là, vous avez l'argent, hein? Vous êtes tout le temps d'acheter là, vous les passez là. Chaque jour d'en acheter, hein? Tu vas donner cigarette, tu vas donner billets. Les billets là, les papiers. Tu vois les papiers? Va donner les billets, hein? Je travaille pas gratuitement, hein? Vous les passez là. C'est pas gratuit, hein? Moi, cigarette. Va donner. Va donner cigarette. Cigarette. Va donner cigarette. Donne-moi cigarette. Va donner maintenant là. Donne-moi cigarette. Va donner cigarette là maintenant. Donne-moi cigarette. Va donner cigarette là maintenant. Donne-moi cigarette. Va donner cigarette là, tout le monde là. Vous les pieds là, donc va pas patienter. De ta race, qu'est-ce que tu fais? La pute de ta race, de ta race. Je vais pas patienter plus longtemps. Je te donne pas d'argent, moi. Je te donne pas d'argent. Je vais pas patienter plus longtemps. La pute de ta race, donne-moi cigarette. Je vais pas patienter plus longtemps. Donne-moi argent. Argent. Donne-moi cigarette. Argent. Donne-moi argent. Argent. Donne-moi cigarette. Argent. Argent. Argent. Argent. Argent. C'est comme il m'a énervé. Argent. J'ai tellement crié. Argent. J'ai chié dessus là, putain. Monnaie. Putain de sa race. Argent. Monnaie, argent. Ciga, ciga. Ciga, ciga. Ciga, ciga. Va donner, on a assez patienté la journée. Qu'est-ce que tu vois? Je peux rester là, attendre toute la journée. Je voudrais prendre un peu de vin. Philippe, Philippe là. Pour travailler plus loin. Philippe là, vous, tu as la cigarette sur toi là. J'ai vu là, j'ai vu que tu étais en train de fumer. Je viens pour, je viens pour t'opportuner, pour te demander si tu pouvais me donner, pour partager. Hein? Nous sommes des humains, nous partageons. Ton argent, c'est mon argent. On va partager ton argent. Si tu es pour l'amour, on va partager ton argent. Tu es pour le partage. On va partager. Tu as combien? partager. On va partager puisque tu es pour l'amour. Puisque tu es pour l'amour. Tu es pour le partage, partageons ton argent. Si tu es pour le partage, partageons ton argent. Si tu es pour le partage, partageons ton argent. Si tu es pour le partage, partageons ton argent. Yeah, yeah. Si tu es pour le partage, partageons ton argent. Si tu es pour le partage, partageons ton argent. Tu as combien sur toi, partageons ton argent. Tu as combien sur toi, partageons tes fortunes. Tu as combien de pièces dans ta maison? Je souhaite venir y habiter avec mes environs. Tu as combien d'argent sur toi? Si tu aimes le partage, partageons. Si tu aimes le partage, partageons ton argent. Si tu aimes l'amour, partageons ta femme. Tu aimes l'argent, partageons ton argent. Vu que tu aimes le partage. Partageons. Vu que tu aimes partager. Partageons. Vu que tu aimes partager. Partageons. Ton argent, ta vie, ton amour. Partageons ton slip, ton pantalon, même tes chaussettes, vu que tu aimes partager. Partageons. Partageons. Que tu aimes partager. Partageons. Partageons. Vu que tu aimes partager. Partageons. Vu que tu aimes partager. Partageons. Partageons ton argent. Partageons ta fortune. Partageons ta maison. Partageons ta famille. Partageons ton. Partageons tes habits. Donne-moi une chaussure. Vu que tu aimes partager, donne-moi une chaussure, tu gardes l'autre. Vu que tu aimes échanger, échangeons notre compte en banque. Je chasse de même taille que toi, partage avec moi. J'ai l'impression. Fais pas le radin. Fais pas le radin. Fais pas le radin, file-moi quelque chose pour que je tasse toute la journée. Pour que je tasse toute la journée, je tourne en rond, je m'ennuie. Fais pas le radin, file-moi quelque chose pour que je passe toute ma journée. À tasser, à tasser, à tasser, à tasser, file-moi. Faut que je passe toute ma journée. À tasser, à tasser, à tasser. Fais pas le radin, file-moi quelque chose pour que je passe toute ma journée. À tasser, à tasser, à tasser des joints. Fais quelque chose pour que je. File-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Vu que je passe toute ma journée à tasser, fais-moi quelque chose. Que je passe toute ma journée à tasser. Fais-moi quelque chose. Que je fasse toute ma journée à tasser. À passer le temps sans avoir rien à casser. Fais-moi quelque chose. Vu que je passe mon temps la journée à tasser. Fais-moi quelque chose, je passe tout mon temps à tasser. Fais-moi quelque chose, que je passe toute ma journée à passer le temps à marcher pour rien au monde, pour rien qui s'en fout de que j'aille ou que je veuille aller. Fais pas le radin, fais-moi quelque chose. J'ai rien à tasser, je place le temps, rien à casser. File-moi quelque chose, file-moi quelque chose, file-moi quelque chose, file-moi quelque chose. Tant de temps que j'ai plus rien à tasser, que tant que je passe à marcher. Fais pas le radin, fais-moi quelque chose. Vu que j'ai rien à tasser, le temps est long pour moi. Tu ne peux pas comprendre ça. Fais-moi quelque chose. Vu que je n'ai plus rien à tasser, je vois le temps se casser. Fais pas le radin, fais-moi quelque chose. Vu que j'ai pas à tasser, tu vas pas me laisser passer. Rien à casser, j'ai besoin de casser la croûte. J'ai besoin de casser, oui. Tu vas pas me casser le nez, tu vas pas me casser le nez. Fais pas le radin, oui. J'ai rien à casser la croûte. Fais pas le radin, j'ai plus rien à passer. J'ai tout perdu, mais oublié. J'ai tout perdu. Mes billets français. J'ai tout perdu. Mon sang ne peut plus couler. J'ai tout perdu. Mon sang ne peut plus couler. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, même mes larmes ne peuvent plus couler. J'ai tout perdu, même mon sang ne peut plus couler. J'ai tout perdu, même mes larmes ne peuvent plus couler. Tellement la vie est triste, le bas, les larmes viennent sans s'arrêter. Fais pas le radin, fais-moi quelque chose, j'ai plus rien à passer. Et long ici, bah les gens sont ronds. Menzo, j'ai plus rien à casser. Casser la croûte, dis-moi quelque chose, fais pas le radin, j'ai plus rien à tasser. Ici, bah le temps est long, comme le temps passé. Je vois les gens passer sans foutre de moi. Les gars, je suis là. Les gars, je suis là. Les gars, je suis là. Les gars, je suis là. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Regardez-moi. Je suis avec mon chien, lui au moins. J'ai plus rien, regardez-moi. Je suis avec mon chien, lui au moins, il me voit. File-moi un fut. Je te file un fut, je te file des choses. Je te paye une douche. File-moi. femme, je suis en slip. Je t'offre la douche, mon verre. Je t'offre la bouffe, je t'offre la blanche. Et toi, tu me chies dans la main, c'est ça. Je te file un fut. File-moi un fut. Tu vois pas que je suis en slip. File-moi un fut. Tu vois pas que je suis en slip. File-moi un fut. Tu vois pas que je suis en slip. Je m'en fous, t'as une couille qui dépasse. Je m'en fous, t'as une couille qui dépasse. Je m'en fous, t'as une couille qui dépasse. File-moi un fut, t'as une couille qui dépasse. File-moi un fut, t'as une burne qui dépasse. C'est ma burne. Ma burne, t'as une couille qui dépasse. J'aime ma burne. Et ton chien te la lèche. T'as une couille qui dépasse. Je m'en fous. Et ton chien te la lèche. File-moi un fut. C'est pas grave. T'as le fion qui déborde. T'as le fion qui déborde. T'as le fion qui déborde. T'as le fion qui déborde. T'as le fion qui déborde. T'as le fion qui déborde. Qui dépasse. T'as trop mangé de conneries à force de traîner. T'as traîné ton fion un peu partout. T'as le fion qui déborde. T'as mangé un peu avec conneries. C'est un peu dégueulasse de voir que ton fion déborde. Surtout que ton slip est blanc. Tu mets des slips blancs avec un fion qui déborde. Tu mets des slips blancs avec un fion qui déborde. Tu te demandes pourquoi les gens s'éloignent de toi. Il faut bouger le fion. Il faut bouger le fion, ça déborde. Faut bouger le fion, ça déborde. Faut bouger le fion, ça déborde. Tu as pété. Ça déborde. Ça déborde. Et des taches devant, derrière. Tu pues du cul et tu pues du trou de cul. Ça déborde. Et des taches devant, derrière. Ça déborde. Tu pues du cul et tu pues du trou de cul. Et des taches devant, derrière. Je vais aller faire caca, moi. Oh putain. Aïe, putain, j'ai mal. Oh merde. Ah. Ça fait musique de film de boule. Allez, Coco, on fait un truc sur ça ? Salut, c'est moi, c'est le plombier. Je viens déboucher la tuyauterie. Bonjour, madame. Mets-toi à quatre pattes. Vous avez le fion qui déborde. Ouais, c'est cool, ça. Laissez-moi le boucher. Je sors mon chalumeau. Laissez-moi boucher. Salut, c'est moi, c'est le plombier. Je viens déboucher ta tuyauterie. Vous avez le fion qui dépasse, hein. Laissez-moi boucher. Vous avez le fion qui dépasse, madame, là. Je peux boucher, hein. Ça déborde. Moi, boucher le siphon. Laissez-moi boucher le siphon. Votre siphon. Le siphon. Laissez-moi le siphon. Votre siphon. Le siphon est bouché. Le siphon est bouché. Laissez-moi déboucher le siphon. Votre siphon est si bon. Votre siphon est si bon. Laissez-moi. Salut, c'est moi. Votre siphon est si bon. Et je viens. Votre siphon vous déboucher est si bon. Laissez-moi. Votre fion. laissez-moi votre siphon est si bon, laissez-moi déboucher votre siphon. Laissez-moi déboucher votre siphon. Votre siphon est si bon, laissez-moi le déboucher pour une fois. Votre siphon est si bon, laissez-moi le déboucher juste une fois. Siphon. Je vais et je viens, oh. Et je viens, je vais et je viens. J'ai vu que introduire mon furet. Je vais introduire mon furet dans ton siphon. Je vais introduire mon furet dans ta raie. Introduire mon furet dans ta raie. Viens me ramener le siphon. Tu verras, c'est bon. Siphon qui coule, avec qui le siphon qui coule. Allez, tous ensemble. Viens me ramener le siphon. J'ai le siphon qui coule. Comme c'est bon. Je le siphon qui coule. Le siphon qui coule. Censuré par le regard. Viens me ramener le siphon, c'est si bon. On commence la super chanson. Viens me ramener le siphon. Le siphon, c'est si bon. C'est si bon. Viens me ramener le siphon. Je sais, ça sent pas si bon. Putain de merde. base. Je sais trop grosse, ma clé anglaise. Trop grosse, je vais te tester le siphon. Ta clé trop grosse, ma clé trop grosse, tu ma clé trop grosse pour le bon. Siphon. Ta clé trop grosse, ma clé trop grosse pour mon siphon. Et je sais, ce sont pas bon. Ta clé trop grosse, ma clé à molette. Ma clé à molette. Je vais te sortir, te desserrer le siphon. Attends, je sors ma clé à molette. Je crois que c'est grippé. Te desserrer le siphon. Va chercher ma clé anglaise. Je crois que tout est coincé. T'as sorti une clé de 32. T'as sorti une clé de 32. C'est trop gros. T'as sorti une clé de 32. Je vais sortir ma clé à molette. Pour débloquer, je t'en prie. C'est pas bon. Il me faut une clé de 10 pour dévisser mon siphon. Je me suis trompé. Il faut une clé de 10 pour déboucher. 32, ça fait mal. Une clé de 32 dans le siphon. Et je mets la douille dans ton furon. Je suis débouché. Et je mets la douille. Je ne veux plus de 36. Je mets un écrou. Attends, dans je sors le cliquet. Mon siphon. Et je mets la douille. Et là, c'est pas bon. Je mets un écrou dans ton fion. Je sors le cliquet. Mon siphon. Je mets la douille. Ça fait trop mal. Je mets un écrou de 10 dans ton fion. Les mécanos extrêmes. Ça fuit partout maintenant. Je mets un écrou de 10 dans ton fion. Un nouveau pompier. Allez, serre, serre ton siphon. Je mets un écrou de 10 dans ton siphon. Et ton siphon. J'ai bossé ton siphon. Putain, yo, salut Titi. Salut. Est-ce que tu pourrais rajouter un joint? Je m'appelle Mario. J'ai une moustache. Salut. Je m'appelle Mario. Et je suis paumé. C'est tout inondé. J'ai une moustache. J'ai le fion qui coule. J'ai le siphon qui coule. J'ai le siphon qui coule. Je m'appelle Mario. J'ai le siphon qui coule. Et je suis plombier. J'ai le siphon qui coule. J'ai le siphon qui coule. J'ai le siphon qui coule. J'ai mis un écrou de 10 dans ton fion. Pardon, dans ton siphon. J'ai mis un écrou de 10 dans ton siphon. J'ai beau serré. J'ai mis un écrou de 10 dans ton siphon. J'ai. J'ai beau serrer, ça coule encore. Ça coule toujours. J'ai mis un écrou de 10 ton siphon en inox. Sinon ça rouille et ça fait, ça fait des taches dans le slip. Bande de camp en inox. Vous avez pété mon siphon. Mon siphon. J'ai mis un écrou de jeans pour resserrer le siphon. J'ai mis la clé dedans, tout est rentré dedans. J'ai percé ton siphon, j'ai percé ton siphon, j'ai percé ton siphon, j'ai percé ton siphon. J'ai cassé mon siphon. Il a cassé le siphon. Avec ta crime, trop. Je sais. Ah, je suis désolé, j'ai cassé ton siphon. Ça coule encore. Il y a un petit. Attends, je sors ma pompe à silicone. Laisse-moi pomper dans ton siphon. Ouais, je te mets un coup de silicone. Laisse-moi pomper dans ton siphon. Solo. Le solo du pompier. Je vais te mettre un coup de silicone. Laisse-moi pomper en siphon. J'ai perdu un écrou. J'ai voulu. Mais où est la ventouse? Où est la ventouse? C'est pas la bonne note. J'ai trouvé la bonne note. J'ai voulu resserrer ton siphon. J'ai mis un écrou dedans. Et la clé est tombée dedans. Laisse-moi pomper dans ton siphon pour récupérer ma clé de doux. Tu joues mal, espèce de plombier. Ma clé pour récupérer mon écrou. Laisse-moi pomper dans ton siphon pour récupérer ma clé de douze et mon écrou. Laisse-moi pomper récupérer ma mon écrou. J'ai cassé ton siphon, ça coule. T'as le siphon qui coule encore. T'as le siphon qui coule encore. T'as le siphon qui coule encore. Siphon qui coule encore. Le coup de couper dans mon siphon. Sa clé. Sors le compte ton siphon. Ton siphon. Son écrou te rouille. Rendu un écrou. Ton silicone. Ton écrou. Ton silicone. Dépêche-toi. Ça fait mal. T'as mis un bout de silicone dans le fessier. Ton silicone. Sur la gâcheuse. La gâcheuse. Ouais, je vais faire du dial-set. T'as mis un bout de silicone dans le siphon. Ton silicone. Ton silicone. Sors ton silicone. Ton silicone. Tu as. Sors ton silicone. Ton silicone. Ça va, hein? T'as le siphon qui coule. Ton silicone. Espèce de con. J'ai le siphon qui coule. Sors ton silicone. Ton silicone. Ah, elle était bien la chanson. J'ai le siphon qui coule. siphon va s'arrêter dans quelques instants. Attention. Le siphon fait stop. Siphon, fond, fond, les petites marionnettes. Un siphon, fond, fond, les rois. Bon. Bon, alors. Bon, on se fait une petite chanson là sur la maçonnerie. La maçonnerie. Ouais. Les briques, le ciment, etc. Je suis arrivé sur ton chantier, j'ai vu ta réquille déborder. C'était affreusement, affreusement joli. Oh les mecs, qu'est-ce qui vous arrive? 5 ans, carrément. Allez.